Tout le monde sur la piste, les mains en l'air en signe de victoire. Ici c'est Dan Impian et Céleste Harmonie. On y va, tout le monde. C'est pas fini, tout le monde les mains en l'air. Et qui a gagné? Et moi qui a gagné? À qui a gagné? Allez tout le monde, les mouchoirs. On vous avait dit, c'est nous les champions. Il a vaincu au ciel, il a vaincu sur terre, il a vaincu sous la terre. Qui dit mieux? Nous avons gagné, vous avez perdu, c'est bien fait pour vous, au nom de Jésus.